Bref, il ne fut plus permis, même au moins lettré des Yankees, d'ignorer un seul des faits relatifs à son satellite, ni à la plus bornée des vieilles mistresses d'admettre encore de superstitieuses erreurs à son endroit. Et les Yankees n'eurent plus d'autre ambition que de prendre possession de ce nouveau continent désert et d'arborer à son plus haut sommet le pavillon étoilé des États-Unis d'Amérique. Le président Barbicane avait, sans perdre de temps, nommé dans le sein du Gun Club un comité d'exécution. Ce comité devait en 3 séances élucider les 3 grandes questions du canon, du projectile et des poudres. Il fut composé de 4 membres très savants sur ces matières. Barbicane avait une voix prépondérante en cas de partage. Le général Morgan, le major Elphinstone et enfin l'inévitable Maston, auquel furent confiées les fonctions de secrétaire rapporteur. Le 8 octobre, le comité se réunit chez le président Barbicane. Il prit la parole. « Mes chers collègues, dit-il, nous avons à résoudre un des plus importants problèmes de la balistique, cette science par excellence qui traite du mouvement des projectiles, c'est-à-dire des corps lancés dans l'espace par une forte impulsion quelconque, puis abandonnés à eux-mêmes. » « Je demande la parole, dit Maston. » La parole lui fut accordée avec l'empressement que méritait son passé magnifique. « Mes braves amis, dit-il, d'un accent inspiré, notre président a raison de donner à la question du projectile le pas sur toutes les autres. Ce boulet que nous allons lancer à la Lune, c'est notre messager, notre ambassadeur, et je vous donne la permission de le considérer à un point de vue purement moral. Le boulet est pour moi le plus éclatant de manifestation de la puissance humaine. C'est en lui qu'elle se résume tout entière. C'est en le créant que l'homme s'est le plus rapproché du Créateur. En effet, si Dieu a fait les étoiles et les planètes, l'homme a fait le boulet. À nous, la vitesse du boulet, 100 fois supérieure à la vitesse des trains et des chevaux les plus rapides.